cerisiers sont blancs, les oiseaux sont contents, revoilà le printemps. Je dors mal dans mon lit, ma cousine est trop jolie. Est-ce normal, maman, ce merveilleux tourment qui me fait rougir tout le temps? Si je me mariais, est-ce que tu me gronderais? Paul n'a pas de soucis comme ça, le petit Paul est trop petit pour ça. Le petit Paul, c'est encore un gamin, il joue aux billes, il court dans le jardin, ne pense pas aux filles, mais moi, les cerisiers sont blancs, et c'est très énervant, dès qu'on est un peu grand, quoi. Maman, ne te fâche pas, j'ai plus l'âge de jouer à la... À la bébé, Chimon, maman. Les cerisiers sont blancs, les oiseaux sont contents. Les cerisiers sont blancs, les oiseaux sont contents. Ma cousine, elle m'attend. Je suis pas intimidé, je suis un homme bien vrai. Ouais. Bonjour, comment tu vas? Ta coiffure, c'est pas ça. T'as un pli à ton bas. Cousine, faut pas pleurer. Embrasse-moi, on fait la paix. Paul, c'est l'heure de ton goûter. Adieu, Paul. Allez, allez, maman va s'inquiéter. Bonsoir, Paul. Va jouer aux quatre coins. Va jouer aux billes. Ou ne joue à rien, mais laisse-nous tranquille. Les cerisiers sont blancs, les oiseaux sont contents. Je ne suis pas mécontent. Je n'aurais jamais cru ça. Elle savait jouer à la... Les bêtes qui montent, qui montent, qui montent, qui montent, maman.